Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une affaire grave qui témoigne de la déchirure du tissu social en France, l'affaire Mila ou la fatwa numérique. Depuis plus d'un an, quelque part dans ce pays, une jeune fille reçoit tous les jours des menaces de mort, de viol, de torture. Son prénom, Mila. Son âge, 18 ans. Sa faute, avoir injurié l'islam dans une vidéo sur Instagram. L'affaire aurait pu s'éteindre comme s'éteignent d'elle-même les milliers d'affrontements verbaux qui ont lieu chaque jour sur les réseaux sociaux, mais celle-là a dégénéré. D'abord en harcèlement en ligne, ensuite en polémique nationale. La jeune Mila a dû quitter son lycée, elle et sa famille vivent maintenant cachées et sous protection policière. En France pourtant, le délit de blasphème n'existe plus depuis près de 150 ans. Mais la question de la critique des religions, et en particulier de l'islam, ressurgit chroniquement jusqu'au drame absolu comme celui du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo ou celui du 16 octobre dernier avec l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Héroïne de la liberté d'expression pour certains, islamophobe pour d'autres, Mila a ainsi relancé, et bien malgré elle, cette polémique, ce malaise qui grandit en France et qui inquiète. Notre invité aujourd'hui est Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo et de Mila. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Lundi 18 janvier 2021, midi. Quelque part en France, une jeune femme écrit sur Twitter. Aujourd'hui, ça fait un an que je suis harcelée sur Internet et que je risque de mourir égorgée, chaque jour, dans le monde réel. Un an que j'ai appris que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais faites péter la vodka. Il faut fêter ça, bordel. La plume qui porte ces mots dans la plaie est tenue par une toute jeune fille. Elle n'a pas encore 18 ans. Elle s'appelle Mila. Ce jour-là, elle a les cheveux au burn, rasés au-dessus des oreilles. Je dis ce jour-là parce qu'on l'a vu aussi les cheveux noirs, blond platine, violet ou complètement rasé. Mila se met en scène. Sur Instagram, elle montre les maquillages qu'elle élabore et qu'elle teste sur elle, en clown triste, en joker ou en tête de mort. Fardée de toutes les couleurs, elle se grime selon l'humeur en personnage rieur, lumineux ou brisé, voire inquiétant. Elle essaie de passer outre les menaces et les insultes qui s'abattent sur elle. « Tu mérites qu'on t'enterre vivante », répond une internaute à son tweet. « J'ai un nœud coulant pour toi », dit un autre. « Les baisse ta mère, sale pute !» Et les ta gueule crasseuse se noient dans les nombreux messages de soutien qui, eux, disent « Vous êtes d'un courage incroyable, ils finiront bien par comprendre. » Un jour, avant de poster ce statut, elle s'est prise en photo avec un nouveau maquillage. Sur le front et sur la joue, elle s'est sculptée deux fausses plaies purulentes et nécrosées, desquelles coule un peu de sang séché. Voilà un an que Mila a insulté l'islam et le Coran face à sa caméra. La vidéo a été vue par plus de 35 millions de personnes. Mila a reçu plus de 50 000 menaces de mort. Elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus recevoir d'amis. L'endroit où elle vit avec ses parents est protégé, jour et nuit. Elle est devenue l'une des personnes les plus menacées de France depuis le 18 janvier 2020, un jour où il ne s'est pourtant pas passé grand-chose, non. Mais c'était à quelques jours près, les 5 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. 5 ans après, le souvenir est toujours aussi douloureux. Patrick Peloux fut l'un des premiers à arriver au journal juste après l'attentat. Pour lui, aujourd'hui, l'esprit Charlie est toujours présent. Je suis Charlie, ça voulait dire beaucoup plus de choses que le journal en lui-même. Ça voulait dire je suis républicain. 7 janvier 2020, voilà 5 ans que la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée par 2 terroristes islamistes. La France se recueille en la mémoire des victimes. Et Charlie publie sa 1433e édition. En une, on lit, numéro spécial, 5 ans après, nouvelle censure, nouvelle dictature. On y voit un dessin représentant un homme à la langue et aux mains écrasées sous un téléphone portable, sur l'écran duquel figurent les logos de Twitter, Facebook et Snapchat. Riss signe l'édito. Son titre, Les nouveaux visages de la censure. Il écrit. Le développement des réseaux sociaux a permis de diffuser des opinions très diverses, parfois enrichissantes, mais parfois obscures. Tous ces petits connards et toutes ces petites connasses qui pérorent à longueur de pétitions débiles, de proclamations sentencieuses et qui se croient les rois du monde derrière le clavier de leur smartphone, nous donnent une formidable occasion de les caricaturer. Car la morale qu'ils croient défendre, n'étant en réalité qu'un moralisme de plus. Les vieux interdits ont été remplacés par de nouveaux. Les flammes de l'enfer d'autrefois ont laissé la place aux tweets délateurs de maintenant. 11 jours plus tard, le samedi 18 janvier, à Villefontaine, dans la région de Lyon, Mila lance sur Instagram une vidéo en direct pour ses abonnés. Ah, les réseaux sociaux. Elle ne peut pas s'en passer. Il l'envoûte, il l'hypnotise, comme des dizaines de milliers d'autres lycéennes de son âge. Alors elle écrit, elle se maquille devant l'objectif, elle chante. Elle est assez narcissique, provocatrice aussi. Elle s'est investie sur Instagram et rapidement a attiré quelques milliers d'abonnés. Ce 18 janvier, elle les invite à lui poser des questions sur son homosexualité qu'elle assume parfaitement, sur ses relations, sur sa nouvelle teinture violette. Ils ne sont pas très nombreux à être au rendez-vous, une trentaine peut-être. Mais Mila est satisfaite d'être au centre de leur attention. Parmi ce petit public, un jeune homme commence à la draguer un peu lourdement. C'est ce que Mila dira plus tard. Elle repousse ses avances et elle continue à discuter. Elle raconte sur Instagram un peu plus tard dans la journée. Avec une meuf de mon live, on discutait. Et elle me disait voilà, qu'elle aimait bien... Elle me parlait de ses goûts pour certaines filles. Elle disait juste qu'elle trouvait que les rebeux n'étaient pas super belles. Voilà, elle a le droit. Moi j'ai approuvé, j'ai dit ouais, moi non plus c'est pas mon style, voilà, les rebeux c'est pas mon style. Et il y a un mec qui a commencé à s'exciter. L'abonné est conduit et vexé. Il réagit très mal au propos de Mila et de la jeune femme avec qui il discute. Il commence alors à les insulter au nom d'Allah, entre autres. Et la conversation bascule sur l'islam. Quel propos Mila a-t-elle tenu dans cette première vidéo? Nous ne le savons pas, elle est introuvable. Mais quand Mila arrête son live, le dragueur humilié se venge. Il commence à faire circuler sur les réseaux ce qu'elle a dit sur l'islam. Et déjà, une poignée d'individus la harcèlent. Ils lui envoient entre 30 et 100 messages chacun. Alors, Mila décide de réagir et de poster une vidéo où elle s'explique. Ensuite, le sujet a commencé à déraper sur la religion. Donc moi, j'ai clairement dit ce que j'en pensais, parce que liberté d'expression, tu connais. Je suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Je suis pas raciste, mais pas du tout. On peut pas être raciste d'une religion. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes cons, qu'est-ce que vous êtes cons, putain de merde. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Ces propos-là, eux, sont enregistrés. Et c'est cette vidéo qui lui vaut le harcèlement dont un an plus tard, elle est encore victime. Car ces insultes circulent de façon exponentielle sur Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook... En 2 ou 3 jours, la vidéo est vue près d'1 million de fois. Et quelques internautes entreprennent de dévoiler l'identité de Mila. Ils discutent entre eux sur Twitter, font part de l'avancement de leurs recherches. Ils ont déjà trouvé son nom. Une internaute intervient. Mais pourquoi faire? Vous allez la harceler parce qu'elle ne se soumet pas à vos petites injonctions de se taire. Un autre répond. Ça a pris une ampleur, frère. L'islamophobie, c'est vraiment tout sauf légal. Et maintenant, ils ont sa date de naissance. Là, c'est clairement du harcèlement qui va lui tomber dessus, prévient encore un autre. Malgré sa connerie, je suis pas pour. Mais le mal est fait. Les comptes Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter de Mila, ses mots de passe, sa prétendue adresse, le numéro de téléphone de chez elle, son numéro de portable, son adresse mail, son lycée et même son IBAN bancaire sont révélés par des jeunes hackers. La divulgation de données personnelles, on appelle ça le doxing dans le jargon. Et les données de Mila tournent sur Internet. Une certaine Inès écrit par exemple « Je crois qu'elle sait pas ce qu'elle vient de faire, mais elle va bientôt en voir les retombées. » Et les retombées, Mila les voit, effectivement. Ses messageries, sur les réseaux sociaux, sur son téléphone, se remplissent d'insultes, de menaces de mort, d'atrocités. Et elle reçoit près de 200 messages par minute. On pirate ses comptes, on en crée de nouveau à son nom, on usurpe son identité. Cette adolescente, seule dans sa chambre, est agressée par des milliers de personnes. La meute s'ébranle, on hurle avec les loups. Ok, tu veux la jouer liberté d'expression? Pour moi, t'es une grosse salope. Et les PD, lesbiennes, trans, tous les trucs comme ça, niquez bien vos mères. Écoute-moi bien, grosse pute. Si je te croise dans la rue, je vais te faire avaler tous les organes, après les avoir fait sortir par ton trou du cul. C'est bon? Ferme ta gueule, t'es lesbienne. Tu parles de Coran, la putain de tes morts. Inch'Allah, ta mère, elle se fait écraser par un dromadaire. Espèce de grosse salope de merde, va mourir en enfer, grosse pute, sale lesbienne. Sale trou du cul de lesbienne, ça va te niquer ta mère, toi. Grosse pute, ça va t'enculer, on sait que t'es au lycée Vinci, attends-toi au pire. Le lendemain, le dimanche 19 janvier, Marilyn Rochette, la proviseure du lycée Léonard de Vinci à Villefontaine, où Mila est en seconde, reçoit un appel. C'est une professeure qui l'avertit que la jeune fille est harcelée sur les réseaux sociaux et que le nom du lycée circule. Alors la proviseure appelle les parents de Mila et ensemble, ils conviennent qu'elle ne viendra pas en cours le lendemain pour sa sécurité et pour celle du lycée. Le lundi matin, le 20 janvier, la chef d'établissement arrive au lycée plus tôt que d'habitude. Elle se poste à l'entrée, elle est soucieuse. Elle a prévenu tout le personnel. Les policiers sont là aussi. Ils sont quelques-uns à côté d'elle. Mais rien, non. Les élèves, déjà presque tous au courant de l'affaire, entrent en cours dans le calme. En réalité, Mila ne reviendra plus jamais dans son lycée. Et le harcèlement ne faiblit pas. La première semaine est terrible. Ils sont des milliers à attaquer. Ils la traquent. C'est un cauchemar. Et si un harceleur, plus déterminé que les autres, venait l'attendre à la sortie des cours? La vie de Mila est en danger. Les parents demandent à ce qu'elle change de lycée. Deux jours après sa vidéo, elle est forcée d'exil scolaire. Le jeudi 23 janvier 2020, cinq jours après la vidéo, le parquet de Vienne ouvre deux enquêtes. L'une dirigée contre Mila pour incitation à la haine raciale, l'autre contre les harceleurs pour menace de mort, menace de commettre un crime et harcèlement. La première est classée une semaine plus tard. La deuxième conduit à l'interpellation de quatre individus. Deux d'entre eux ont 17 ans, ils vivent en Isère et dans le Rhône. Ce sont eux qui ont volé les données de Mila. Ils les ont ensuite transmises à un autre adolescent. Celui-ci a 16 ans, il vit à Besançon, et c'est lui qui les a diffusées. Un quatrième est interpellé pour menace de mort. Mais la justice n'a pas les moyens de juger les milliers d'autres qui se sont joints à la curée. Alors la sphère politique s'emballe. Le 23 janvier, alors que le parquet ouvre ses enquêtes, Abdelaziz Krit, délégué général du Conseil français du culte musulman, chapeauté par le ministère de l'Intérieur, est invité sur le plateau de Sud Radio. D'une voix rageuse, il dit « Qui sème le vent récolte la tempête. Qu'elle critique les religions, je suis d'accord. Mais insulter et tout ce qui s'ensuit, non. Elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit. » Voilà donc un représentant des musulmans de France auprès de l'État qui justifie des menaces de mort et de viol. Mila commence à faire face à d'autres ennemis que ses harceleurs, ceux qui justifient son harcèlement. Parmi eux, la garde des Sceaux elle-même. Six jours plus tard, sur le plateau d'Europe 1, Nicole Belloubet prétend, je la cite, que « l'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience ». Voilà Mila lâchée désormais par la République et ses valeurs. Or, il faut le rappeler, répéter, marteler, parce que c'est un fait, que les faits ne mentent pas, qu'aujourd'hui, l'insulte à la religion, en d'autres termes le blasphème, n'est absolument pas un délit. Blasphémer est légal. Le délit de blasphème n'existe plus en France depuis la loi du 29 juillet 1881. 140 ans plus tard, Mila est donc dans son droit, puisque même si elle était vulgaire, blessante, même si elle a insulté une religion, elle n'a pas insulté des personnes. Et donc, s'il y a bien une liberté de conscience mise en cause dans cette affaire, c'est celle de Mila. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, réagit au propos d'Abdallah Zekri le 28 janvier sur France Inter. Ouais, en ce qui concerne Abdallah Zekri, elle l'a cherché à l'assumer. Alors, en ce qui concerne ses propos, moi je trouve que ce sont des propos criminels, ce sont des propos coupables. Et je me bats contre cette idée selon laquelle une femme, une jeune fille en l'occurrence, mais qui que ce soit, qui serait victime de violence, de cyberharcèlement, ce serait parce que cette personne l'aurait cherché. Je trouve ces propos indignes, ils sont indignes d'un responsable qui est un leader d'opinion et qui a une parole dans le débat public. Et je rappelle que le cyberharcèlement en meute, depuis la loi 2018 que j'ai fait voter, est condamné. C'est un délit de s'adonner à du cyberharcèlement en meute. Le 3 février, deux semaines après sa vidéo, Mila est invitée sur le plateau de Quotidien, sur TMC. Un peu intimidée, elle reste tout de même droite dans ses bottes. « J'ai rien fait de mal », dit-elle. Mais elle regrette deux choses, de s'être exprimée sur les réseaux sociaux et de l'avoir fait aussi vulgairement. L'émission passe une chanson qu'elle a écrite quelques jours plus tôt. Elle chante « Pour un blasphème, je ne vivrai plus jamais comme avant. À vrai dire, je ne sais même pas si je vivrai encore longtemps. » Voilà comment une adolescente, en une semaine à peine, a perdu la vie normale à laquelle elle avait droit. Et voilà comment, en autant de temps, les réseaux sociaux ont transformé nos disputes futiles en polémiques nationales. Parce que dans la France entière, apparaissent deux camps, les hashtags « je suis Mila » et les hashtags « je ne suis pas Mila ». Difficile sur Twitter de faire valoir une position intermédiaire, de surcroît en cinq phrases. Et puis côté politique, la gauche, dont la vocation culturelle est tout de même de défendre la veuve et l'orphelin, ne monte pas au créneau. Du côté des associations féministes et de défense des droits humains, dont on attend beaucoup sur ce genre d'affaires, on ne peut pas dire non plus que la mobilisation soit exemplaire, donnant même le sentiment de raser les murs, comme si le droit au blasphème ne s'appliquait pas à la religion musulmane au nom de la lutte contre l'islamophobie. La jeune femme se retrouve donc brinque-ballée dans de grands débats nationaux sur le blasphème, l'islamophobie, qui sont des composantes du débat sur la laïcité. L'affaire Mila, dit sa mère, ce n'est pas notre Mila. C'est une petite feuille qui flotte dans l'air. Chacun souffle, elle va dans un sens, dans l'autre, elle remonte, elle retombe, sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, sans qu'on maîtrise. Alors, qu'elle se taise ou qu'elle riposte, Mila reçoit toujours autant d'horreurs. Le 4 février, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce à l'Assemblée nationale les mesures prises en place pour sa protection. Il est essentiel, monsieur le député, d'avoir en tête les cas que vous évoquez, notamment cette jeune fille, Mila, dont on a vu que parce qu'elle usait de son droit fondamental à la liberté d'expression et à la possibilité de critiquer une religion, elle s'est retrouvée menacée de façon très violente pour cela. Et je voudrais vous préciser, monsieur le député, que Mila et sa famille font l'objet d'une vigilance particulière pour les protéger de la part de la police nationale. Mais au-delà, monsieur le député, notre boussole, elle est claire. Et elle est la même que la vôtre. C'est la loi de la République. Et la loi de la République, elle est au cœur de notre pacte républicain. Et elle se construit autour d'un principe simple. La laïcité. Au lycée Léonard de Vinci, que Mila a déserté, on accède à l'établissement par une passerelle taguée depuis une dalle en béton. Il y a une mosquée à proximité. Dans les classes se mélangent les enfants des cités et ceux comme Mila, qui viennent de la campagne. Aujourd'hui, son cas occupe tous les esprits, et c'est même le sujet qui fâche. Certains disent que si elle revient, ils lui cracheront dessus. D'autres imaginent la balancer de la passerelle. Certains jettent la pierre à ceux qui la menacent, en précisant tout de même qu'elle savait à quoi s'attendre en insultant l'islam. On sollicite les adultes pour savoir quoi en penser. On toque au bureau de la CPE pour lui demander « Ce n'est pas bien ce qu'elle a fait, hein, madame ?» Mila a perdu beaucoup d'amis. À Villefontaine, même la boulangère dit qu'elle l'a bien cherché. Puis l'émotion retombe. Parce que 3 semaines plus tard, les projecteurs se tournent vers l'affaire Griveaux, un truc graveleux. Puis ils se braquent sur la Covid-19 qui écrase tout, évidemment, et qui détourne notre regard de tout. Aidés par le ministère de l'Éducation nationale, les parents de Mila finissent par lui trouver un nouveau lycée, un établissement militaire qui la prend en internat. Beaucoup d'autres ont refusé de l'accueillir par peur des représailles. Celui-ci accepte donc, à condition que ses parents ne s'expriment pas publiquement, et ils insistent sur la discrétion de Mila. Elle ne doit absolument pas divulguer le nom de son nouveau lycée. Quand Mila sort de chez elle, désormais, elle est toujours sur ses gardes. Elle observe, elle se cache. À tout moment, ça peut reflamber, disent ses parents. Mais le temps passe, l'été arrive, les menaces se calment, on entend moins parler d'affaires. Alors ses parents font un test. Au mois d'août, Mila partira pour un séjour linguistique, loin, à 2500 kilomètres, à Malte. On s'était dit que ça lui permettrait de souffler un peu, dit sa mère, d'avoir une vie normale pendant 2 semaines. Raté. Coming home and I'm on my own. quiet when I'm coming home and I'm on my own. Like it, I say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Le 15 août, à Malte, alors que Mila dîne sur une terrasse avec une copine, un jeune homme qui participe lui aussi au voyage s'approche d'elle. Il a 20 ans, c'est un Algérien qui vit en France. Il lui dit « C'est toi Mila, non ?» Sans réfléchir, elle répond « Oui ». Alors le jeune homme commence à bouillonner, à lui demander si elle est fière de ce qu'elle a fait. « Oui, très fière même », lui dit Mila, qui ne se laisse pas intimider. Le type se met alors à l'insulter, à la menacer, de la violer, de la tuer. Mila rigole, mais c'est un rire de façade, parce que ça n'amuse pas du tout, évidemment. « Que je ne te revois pas ici », dit l'agresseur. « Verbal. Sinon je vais t'étrangler, violer ta mère, et je vais dire où tu passes tes vacances sur Snapchat. » Mila dépose plainte à la police locale. Le jeune homme est arrêté. Il passe au tribunal et écope d'un an de prison avec sursis. Mila rentre en France, dépose plainte à nouveau, et elle se confie à la gendarmerie. « Il y a tellement de gens qui veulent ma mort. Parfois je fais des cauchemars. » Et je reste persuadée que je vais mourir en me faisant buter par un islamiste. Je me dis ça quand je suis fatiguée. Après, je ne veux pas mettre fin à mes jours, hein. Mais c'est ce que je pense. J'ai déjà essayé de quitter les réseaux sociaux, mais ça me fait plus de mal qu'autre chose. Je me sens coupée de tout. J'aime savoir ce que font mes amis. Parfois, il y a des vagues d'insultes en continu, puis ça se calme. J'ai aussi beaucoup de soutien, et ça me fait du bien. Rien que pour ça, je ne pourrais jamais m'en passer. Septembre 2020, c'est la rentrée des classes. Mila entre en première dans son nouveau lycée. Le proviseur est très attentif à cette nouvelle élève. Sur Instagram et sur Twitter, il a repéré des photos d'elle en maillot de bain et des images qui se moquaient de l'islam qu'elle a postées pendant l'été. Il prie ses parents de les lui faire supprimer. Bien. Mais qui surveille ceux qui par milliers continuent à lui envoyer la description de la façon dont ils vont la violer, la découper en morceaux, l'enterrer vivante ou la brûler à l'acide ? Dans son malheur, dit la mère de Mila, elle se sent plutôt bien dans ce nouveau lycée. Elle ne l'a pas choisi, mais elle s'y est fait oublier, et elle en profite pour renouer avec ses passions. Oui, elle vend ses dessins, propose à ses abonnés de leur tirer le portrait. Voilà, la tempête s'est calmée, mais le répit est de courte durée. Le 12 septembre soir, un jardinier de 23 ans qui vit dans le Gers publie 3 vidéos sur son mur Facebook. Il agite un couteau de boucher, regarde la caméra et dit « Mila, sale pute, c'est toi qui insultes les musulmans, on va t'égorger, on va te cramer. Regarde un peu ce que je te fais. » Et il passe le couteau sous sa gorge. Le lendemain matin, il en enregistre une autre. Dans celle-ci, il tient son sexe et la menace de viol. Une collégienne tombe sur les vidéos, les montre à sa mère qui, affolée, les signale aux gendarmes. Le suspect est arrêté, il est placé en garde à vue. Et il avoue aux gendarmes, je voulais le faire depuis longtemps. Quand il a vu l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, il a senti qu'il voulait faire la même chose. Il est jugé en comparution immédiate le 1er octobre. Le matin du procès, Mila envoie un mot à sa mère. Je me sens dévastée, profondément détruite. Maître Mathias, l'avocat de jeune homme explique, il est le champion, la tête égarée, le bras armé de vrais artificiers, ceux qui instillent comme un poison l'idée que la critique d'une religion s'entend comme de la haine à l'égard de ceux qui la pratiquent. Autrement dit, tous ceux qui considèrent que la jeune fille a fauté. L'agresseur est condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois ferme. Il n'est qu'un individu dangereux parmi des centaines, ou des milliers. Le délire est même repris dans les médias. Par exemple, dans son émission du 21 septembre, Cyril Hanouna déclare que Mila a eu des propos abjects sur l'islam, qu'elle fait bien de se faire toute petite, que ça fait du bien de ne plus entendre parler d'elle. Le pire, dit Mila, avec tout ce que j'entends et reçois autour de moi, c'est que je me dis que je sais pertinemment comment je vais mourir. Sentiment douloureusement renforcé le 16 octobre 2020. À la une ce soir, la mort d'un professeur d'histoire dans les Yvelines. Il a été attaqué au couteau à proximité d'un établissement scolaire, alors que selon les premiers éléments, il aurait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. L'attaque s'est produite à proximité d'un collège de l'Ouest parisien, à Conflans-Sainte-Honorine. Vers 17h, un professeur de l'établissement est mortellement agressé. Son attaquant lui a porté des coups de couteau à la gorge avant de fuir à pied dans les rues de ce quartier résidentiel. Samuel Paty, Charlie Hebdo et Mila sont les victimes d'une même guerre, celle que certains déclarent au nom de leur morale. Mila est effondrée. Ce professeur, écrit-elle sur Instagram, ça aurait pu être moi. Alors certaines menaces changent de nature. La jeune fille reçoit des photomontages de sa tête coupée. On lui annonce qu'on lui fera, je cite, une Samuel Paty. Alors, de temps en temps, assaillie, elle craque. Elle le fait sur TikTok en novembre dernier en insultant de nouveau le dieu de l'islam. Et les menaces reprennent de plus belle. L'une d'elles, qu'elle a reçue par mail en novembre, est saisissante. Elle commence bien pourtant. L'objet du mail, commande de dessin. La première phrase, bonjour Mila, j'espère que tu vas bien. Mais la suite change de ton. Peux-tu me dessiner une représentation d'une petite idiote ? Non, non, une sombre idiote, en quête d'identité et dépourvue de matière grise. Je suis sûr que si tu te regardes dans une glace, tu y trouveras l'inspiration. PS, va bien te faire fourrer, sombre pute. Je te souhaite de mourir de la façon la plus atroce qui puisse exister. Et si jamais ça tarde, je m'en chargerai moi-même. Je me ferai un réel plaisir de lacérer ton corps avec mon plus beau couteau et d'aller laisser pourrir ton corps dans un bois. Le message est ponctué d'un smiley. Mila, fatiguée, terrorisée, publie un communiqué. Elle rappelle qu'elle n'a rien contre les musulmans, qu'elle n'est coupable de rien, sinon de s'être exprimée sur les réseaux sociaux. Que c'est elle, la victime. Que les coupables sont ceux qui la menacent de mort et que certains ont tendance à inverser les rôles. Dans un nouveau live Instagram, en décembre, c'est la gaffe. Elle divulgue involontairement le nom du lycée militaire où elle est scolarisée. La sanction est immédiate. Le directeur de l'établissement, soutenu par le ministère des Armées, décide de sa mise à l'écart. Parce que la garder, pense-t-il, c'est faire courir un trop grand risque pour elle et pour les autres élèves. En janvier dernier, Mila répond aux questions de la journaliste Peggy Sastre pour le magazine Le Point. Moi, ça fait un an que j'ai perdu ma vie, que j'ai l'impression d'être morte tout en restant de ce monde. Observer les autres continuer à vivre, c'est vraiment extrêmement dur. Les voir sortir de chez eux, poser le pied en dehors de leur voiture. Moi, il n'y a qu'en dehors de mon lit que je pose mes pieds. La privation de liberté, ça me fait beaucoup de mal. Je pleure beaucoup, pratiquement tous les jours en pensant à ça. Je reçois tous les jours des menaces de mort, et ça me fait mal. Ça me choque tellement que ça me rend malade. J'évite de trop y penser, mais j'ai peur pour ma sécurité. Et quand ma génération va être adulte, je ne serai plus du tout en sécurité. C'est surtout ça qui me fait peur. Telle est l'histoire de Mila. Elle n'est pas terminée. Le truc, c'est qu'elle est plus jolie. Et ça, ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre, elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment, car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Le truc, c'est qu'elle donne trop envie. Et ça, ça fout la haine. Quand elle se regarde, elle se dit, de toute façon, moi, je suis mieux qu'elle. Après, elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment, Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Oh, finally. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sont heureux d'ici. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Mila, dont nous allons parler avec son avocat, notre invité, Richard Malka. Bonjour. Bonjour. Première question toute simple, il n'y a qu'à vous que je peux la poser. Comment va Mila, au moment où nous parlons? Alors, je vais vous répondre, mais je voudrais commencer par vous dire que je suis moi-même, ça va peut-être vous étonner, mais un peu sous le choc du récit que vous venez de faire. Et je voudrais lui rendre hommage parce que je l'ai trouvé très juste, très complet, très nuancé, très profond. Mais quand on est dans le nez, dans le guidon, parfois on n'a plus assez de recul pour voir l'énormité des choses. Et votre récit l'a rappelé et il est effrayant, ce récit-là. Alors comment elle va aujourd'hui? Pas bien, parce que ça a recommencé. Ça a recommencé à la suite de la publication d'une photographie de maternelle, de pain au chocolat. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, effectivement, elle est la cible. Elle est une cible. On ne la lâchera plus. Ce sont des milliers. Au moment où on se parle, elle en reçoit des centaines et des centaines de messages du type de ceux que vous avez lus. Je vais te violer, je vais t'étriper, tu vas te réveiller demain à côté d'Hitler. Enfin, j'en ai comme ça des listes, et j'ai à nouveau ce matin saisi le parquet de ces messages. Alors qu'on a l'origine de des gens qui ont mené ce raid, c'est comme ça qu'ils l'appellent, un raid. Et qu'il va falloir demander à Twitter de bien vouloir nous donner les identités qui se cachent derrière les sigles anonymes. Twitter qui a fermé racontez-moi ce qui a fermé le compte. Alors Twitter qui a trouvé comme seule bonne chose à faire que de féliciter les harceleurs et de fermer le compte de Mila. Et qui comment ensuite ça félicité. Ah oui, ils ont envoyé un message de félicitations aux personnes qui avaient mené le raid. Merci de nous avoir indiqué qu'il fallait fermer le compte de Mila. Alors le lendemain, ils ont rétabli le compte de Mila. Mais parce qu'entre-temps, Mila a la chance d'avoir un avocat, qui a la chance d'être, d'avoir des contacts chez des journalistes. Alors, ça fait des médias. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'avocat, quand on n'a pas des contacts dans les médias? On est tout seul. Bien sûr. Et puis, rétablissement du compte sans aucune explication. Pas un mot d'excuse. Ils ne répondent même pas à la ministre, puisque la ministre hier soir a indiqué que elle les avait contactés pour avoir des explications, mais ils sont d'une telle arrogance qu'ils ne répondent ni aux journalistes qui les ont interrogés, ni à la ministre, ni à Mila, ni à personne. Mais ça, c'est Twitter. Alors après, on peut se dire, et je vois les commentaires passer sur le fait que elle pourrait se passer de réseaux sociaux. Et je peux comprendre ça, et peut-être que moi-même, je pourrais avoir cette réflexion-là. Sauf que ce serait double peine pour elle, parce qu'elle serait coupée du monde, déjà qu'elle l'est. Et puis, on est d'une génération, on ne comprend pas l'importance que les réseaux ont pour les jeunes gens de cet âge-là. Les couper... Alors déjà, elle vit sans plus aucune relation sociale. Déjà, oui, c'est d'où la double peine. C'est vraiment la double peine, c'est-à-dire qu'elle vivrait en prison, en fait. Ouais. isolés, sans plus pouvoir parler à personne. Et puis les réseaux sociaux, ils existent comme ça. Leur couper les réseaux sociaux, c'est ce que vous pouvez leur faire de pire, c'est leur sociabilité. Donc, c'est pas possible. Et puis à un moment, la solution, c'est quoi à la fin? Lui interdire de parler, elle, donc des réseaux sociaux, puis fermer Charlie Hebdo. En fait, c'est toujours la même chose. On sanctionne les victimes en leur coupant la parole. Et ben à un moment, non. À un moment, c'est une jeune femme extrêmement sensible, mais c'est aussi une combattante. Et j'ai un immense respect pour la rectitude qui est en germe chez cette jeune femme. D'ailleurs, on le voit à travers ses mots. Oui, elle ne plie pas, et c'est rare. L'histoire de Mila me met très mal à l'aise dans le message qu'envoient ses agresseurs. Enfin, c'est ses agresseurs qui nous mettent mal à l'aise. Comme si le droit au blasphème ne s'appliquait pas à l'islam au nom de la lutte contre l'islamophobie. Il va falloir sortir de cette impasse. Hein. Oh ben ça, je le plaide depuis déjà longtemps. Alors vous savez, je rappelle toujours que la Cour de cassation, les juridictions ont considéré que quand la grosse Bertha montrait le pape sodomisé par un travesti, ça ne posait aucun problème. Et en fait, aucun journaliste ne trouvait que ça posait aucun problème. Et aucune association des droits de l'homme ne trouvait que ça posait aucun problème. Idem quand Libération a montré Jésus nu avec une capote sur la croix. Donc comment on fait pour considérer que, il y a des propos outranciers, voire vulgaires, qui peuvent s'adresser à la religion catholique, à la religion juive, au bouddhisme, mais pas à l'islam. Ça voudrait dire accorder un sort et une loi particulière pour l'islam, mais c'est le pire que l'on puisse faire. Ce serait sortir l'islam du pacte républicain, ce serait dire il y a une religion pour laquelle il faut appliquer un autre droit, c'est un droit différent. Mmh. Mais ce serait ça le racisme, ce serait ça la discrimination. Non, nous sommes dans un pays laïque. Alors, ça ne veut pas dire que je trouve que les propos de Mila ou de tel ou tel, ou parfois même de Charlie Hebdo, sont le must du raffinement. Mais elle s'est amendée elle-même. Elle s'est amendée elle-même. Quand elle a dit, oui, j'aurais pas dû le faire quand même, quoi, de cette façon. Mais ça ne relève pas de la loi. Parce que nous sommes dans un pays laïque. Et parce qu'il y a une égalité entre toutes les religions. Et qu'il faut l'accepter. Et que Dieu est bien au-delà de tout ça et qu'il peut se défendre lui-même. Alors, le terme islamophobie a-t-il une signification légale? Alors, je veux dire, désigne-t-il la peur de l'islam ou la peur des musulmans? Parce qu'il faut aussi clarifier tout ça. Alors, à travers les mots. Vous avez raison, j'entends dire souvent que l'islamophobie est un délit. Et bien, je le dis clairement. C'est totalement faux. Ce qui est un délit, c'est le racisme. Mais la peur d'une religion, c'est un droit. C'est pas un délit. La peur de l'islam est un droit. La peur du christianisme est un droit. La peur du judaïsme est un droit. Et heureusement qu'on peut avoir peur des religions. Quand on regarde le pédigré criminel, génocidaire, guerrier de chacune de ces religions, encore heureux que l'on puisse en avoir peur. Donc ce n'est pas un délit. On a le droit de ne pas aimer les religions, mais c'est une nécessité pour se tenir debout, pour être libre, pour avoir un libre arbitre, une liberté de critique, pour ne pas avoir à penser selon les dogmes de tel ou tel texte. C'est ce que l'histoire de notre pays, des siècles d'évolution, nous ont offert, cette liberté-là. Alors, on l'a dit, cette crise a généré un vocabulaire, pas seulement au-delà du cas de Mila, islamophobie, on en a parlé. Islamofascisme, est-ce que c'est un terme qui vous paraît pertinent, qu'on entend, qu'est-ce qu'il veut dire, et à quoi sert-il? Oui, alors je crois qu'il faut sortir de ces islamo-gauchistes, fascistes... Oui, mais enfin, ça pollue le débat quand même. Bien sûr, mais oui, mais... Oui, mais alors je ne vais pas rentrer justement dans ce piège-là. Aujourd'hui, il y a un débat par semaine, voire un débat par jour autour de l'islam. Quand est-ce qu'on en sort? Moi, je me mets aussi dans la position des musulmans, tranquilles, respectueux des lois, complètement intégrés, qui doivent en avoir marre. Que toutes les semaines, on ait un nouveau débat sur ces questions-là. Mais comment faire si on est dans le déni, si on ne regarde pas les véritables problèmes qui se posent une fois pour toutes, en essayant de les régler paisiblement, entre gens de bonne volonté, pour éviter d'un côté l'islamisme politique, qui est un fascisme, qui est en tout cas un totalitarisme, et puis le racisme qui peut naître de l'autre côté, et les discriminations qui existent de l'autre côté. Mais sinon, on va continuer comme ça, un camp contre l'autre, et puis les victimes, ce seront tous ceux qui ne demandent qu'à vivre normalement et paisiblement. Cessons de nous affronter, regardons les problèmes, réglons-les, c'est pas si compliqué que ça. Tout le monde y mettait un peu de bonne volonté. Vous croyez que c'est pas si compliqué que ça? Mais non, une fois qu'on a fait admettre qu'on est dans un pays où depuis 3 siècles, il y a un droit au blasphème, parce que c'est depuis 1791, la France a été le premier pays du monde à abolir le blasphème. Alors vous avez raison, par la suite il a été un peu rétabli, puis définitivement aboli en 1881. Mais c'est la tradition de notre pays, et je crois, et le recteur de la mosquée de Paris lui-même l'a dit il y a quelques mois, ça nous plaît pas. Bah, le blasphème nous plaît pas, Charlie Hebdo, ça peut ne pas nous plaire, mais c'est le droit de ce pays et il faut le respecter. Alors, il y a quelques questions comme ça qu'on peut prendre les unes après les autres, et ce serait pas compliqué si on cesse de s'invectiver de part et d'autre en islamo-gauchisme ou en islamophobie. Ah oui. Alors, vous dites que le blasphème est un droit, et on l'a dit, et c'est une vérité historique, mais alors pourquoi y a-t-il eu une procédure contre Mila, contre ses agresseurs, mais aussi contre Mila? Qu'est-ce qu'on lui reproche d'un point de vue légal et officiel? Ben, je vais vous dire, je me suis trompé. Quand cette procédure a été engagée contre Mila par le procureur de l'Isère, je crois que j'ai eu des mots un peu durs sur l'engagement de cette procédure, que je trouvais assez étonnante. Ceci étant dit, cette procédure a été très très vite, et quelques jours plus tard, le procureur, après son enquête, a dit et a publié un communiqué en disant « Eh bien non, Mila n'a pas enfreint la loi ». Eh ben, au final, ça nous a aidé, cette décision-là. Oui, et il parce a que c'est un postulat. C'est un postulat pour la suite du débat. Ça nous paraissait si évident à quelques-uns qu'il n'y avait même pas d'enquête à déclencher, mais le fait que cette enquête ait été menée et abouti rapidement à cette conclusion-là, eh bien, ça dit le droit. Ça dit la loi. Il faut que les auditeurs l'entendent. Mila n'a commis depuis un an aucun délit. Ceux qui commettent des délits, ce sont les 50 000, aujourd'hui les 100 000 personnes peut-être, qui l'ont menacé de mort. Et dont certains seront jugés prochainement. Est-ce que la gauche ou une partie de la gauche est responsable de la censure, de la critique de l'islam? Je crois qu'il y a une prise de conscience à gauche, en particulier depuis ces derniers mois, depuis les drames de ces derniers mois, depuis le procès Charlie Hebdo, où on comprend que l'on a fait fausse route en n'osant plus rien dire sur ce terrain-là, en traitant tout le monde d'islamophobe, en se taisant, en étant mal à l'aise, en n'osant pas défendre la laïcité et les valeurs républicaines. Je crois que la gauche s'est perdue dans cela, qu'il y a d'ailleurs un boulevard politique pour la gauche qui n'aurait qu'à se baisser pour obtenir beaucoup plus de pourcentage de voix que les sondages ne l'encréditent aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la gauche ancienne, pas ancien parti socialiste. Mais on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'il y a une espèce de terrorisme intellectuel qui a prospéré, où on n'ose plus parler de ces questions-là. Mais ce que je me tue à dire, c'est que si la gauche, c'est ça, c'est nous. Si la gauche ne parle pas de ça, alors on laisse un boulevard à ceux qui en parlent, c'est-à-dire à l'extrême droite. Mais oui, parce que le fait que Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et l'extrême droite, enfin globalement, aient été les premiers à défendre Mila, vous y voyez cette entreprise de récupération de la laïcité par la frange la plus à droite de la droite? C'en est un nouvel épisode. Bien sûr qu'il y a des tentatives de récupération, mais bien sûr. Et c'est un cercle vicieux. Plus l'extrême droite l'exploite, moins la gauche en parle. C'est le contraire qui devrait se passer. La gauche devrait en parler et avec son logiciel de gauche, avec humanisme, de manière paisible, pour régler les problèmes, évidemment de manière complètement éloignée de tout racisme, mais ne pas en parler, c'est pas la solution. Et je crois qu'on a compris cela. Quand on prend individuellement les responsables de gauche, bah, ils ont ce discours-là, mais publiquement, ça reste encore quand même très timoré. Mais ce combat, il a lieu, il se résoudra à gauche ou il ne se résoudra pas. Ça, j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'il peut faire tomber la gauche. C'est à gauche que ça se résoudra. Ouais. Et si la gauche ne résout pas ce genre de problématique, je pense qu'on va au devant de graves difficultés dans ce pays. Il y a une responsabilité historique de la gauche. Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Le PS est à 4%. On peut avoir l'audace de défendre la laïcité et les valeurs républicaines. Il y a en ce moment de nombreuses affaires graves hein, qui touchent des mineurs, alors de nature différente ou voisine. Le meurtre d'Alisha, 14 ans, tué par deux collégiens. Le suicide d'Ebaël, une enfant de 11 ans, harcelée à l'école. Le jeune Yuri, 15 ans, tabassé presque à mort par d'autres jeunes à Paris. Ça, c'était en janvier. Et alors, en 2020, il y a eu plus de 3000 faits de harcèlement, menaces et cyberharcèlement sur des mineurs. Je dis bien des mineurs. Et le chiffre est en augmentation. Qu'arrive-t-il à nos jeunes en France? Pourquoi le tissu social semble en voie de déchirement? Je ne vais pas dire déchiré, parce que ce serait très pessimiste quand même, mais comme ça, il devient oui, fragile. On voit les fibres du tissu là, à travers. Oui, hein. Bah, je pense qu'il y a un double phénomène. Il y a effectivement un problème d'apprentissage des valeurs. Quand toute une jeunesse ne sait pas que menacer de mort quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est un délit, bah, ça prouve bien qu'il y a un problème de transmission des valeurs. Cette violence-là, qui est d'abord verbale, eh ben, il y a qu'un pas pour qu'elle devienne physique à un moment. Et puis, évidemment, comment ne pas évoquer les réseaux sociaux, qui sont le support de tous ces phénomènes de harcèlement, dans tous les cas qui ont été évoqués. Et il y a une régulation qui n'est certainement pas parvenue à son terme. Certains réseaux vont mieux que d'autres et font mieux que d'autres. Mmh. Mais là, il y a un chantier qui est considérable. Et il faudrait pas qu'il y ait des générations sacrifiées. Le temps que l'on arrive à faire comprendre à ces réseaux en général et à l'un d'entre eux en particulier qu'il y a une nécessité de modération, qu'il faut nous dire qui modère, où, comment, quel chiffre, parce que c'est ça la contrepartie de leur statut d'immunité juridique, et qu'il faut parfois lever l'anonymat, et qu'il y a une nécessité d'avoir des responsables légaux en France. Merci, ce sera le dernier mot, Richard Malka. Merci à vous. Merci infiniment pour votre venue. Au revoir. Merci. Cette affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Mila, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Tristan Gratalon. We'll be right back. We'll be right back.